Marche et écoute. La vision est pleine. C'est de tout entendre. H1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins. Auditeurs, auditrices, bienvenue. Plaine de Cerdagne, au pied du Puigmal. Carte postale sonore, CH1000. Je vous amène avec vos oreilles, ici, dans le creux de la montagne. Degrés, soleil catalan. Un chemin. Nous allons progressivement entrer dans la forêt enneigée. Douceur au programme. Le sentier type piste. Le lit d'un petit ruisseau. Plaque de neige. Pelouse brûlée par le gel. Couleur orangée. Du vert. Du blanc. De l'orange. s'écoule. La montagne sonore. Et avec vos oreilles, vous venez de parcourir trois saisons. Le son, c'est l'histoire, la mélodie des montagnes qui vous entourent. Des montagnes qui vous entourent. Toujours à Schmil. De 1000 mètres d'altitude. La neige fond. C'est le chant de l'hiver. Blotti dans la forêt. L'odeur des résineux partout est présente. Et ces larges sapinières qui épousent les collines et tutoient les cimes. c'est le symbole de la Cerdagne, du Cap Sierre. C'est le Canada pyrénéen. Ou tout simplement le son de la montagne. Toujours sur ce versant sud. La forêt m'accueille dans son tapis. Elle est propre, elle est sereine. Quelques plaques de neige dure. Ce tapis d'humus. En plein hiver, c'est l'odeur d'une pluie d'été qui s'est estompée dans un champ. Et à cela, se rajoute cette odeur si particulière de la résine de ces sapinières. Le son pègue à vos oreilles. Thank you. changement de... de relief, de terrain, bien qu'étant toujours dans cette belle forêt. Le manteau neigeux est uniforme. C'est une neige tassée avec ces gros grains que vous entendez là. On l'appelle la neige de printemps. Humide et lourde. Elle annonce à vos oreilles le redo parfois tant attendu. Des jeux d'ombre, des jeux de lumière. La forêt nordique cogne à vos oreilles. Passage raide. Soleil de la Cerdagne. Il fait chaud. Il fait bon. C'est l'espace. Panoramique. apparemment. Oui, apparemment. Il n'y a rien. Alors, on va se baisser. Caresser ces herbes. Qui croustillent. Tellement desséchées par l'action du gel. Apparemment. Il n'y a rien, si ce n'est le bruit de fond. Sec, cassant. Et ce sort. Croyons-nous toujours qu'il n'y a rien. En montagne, dans la nature, dans vos forêts. Marcher au-delà des villes, c'est découvrir ce monde caché et insolite. au parking. L'eau qui glousse. La brise qui s'est levée. C'est la fin de la journée. Cime rosée. Herbe blonde. Et c'est ici, dans cette marche auditive, que je vous laisse. Ressentir la musique de la nature. Ressentir, entendre. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio.